بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بعون الله تبارك وتعالى فنواصل في كتاب فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute allonge appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne que les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariyya, qui est l'explication de Durar al-Bahiyya du Cheikh Ali Ramli, qu'Allah le préserve. Alors ici, dans le cours passé, nous avons vu les chourouts de la prière. Avant cela, nous avons vu Ishimalu al-Summa wal-Istidlal wal-Isbal, et nous avons vu le sens de tout cela avec les conditions de la prière. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer dans le chapitre Babu Kayfiyati Salah. Chapitre Kayfiyati Salah. Comment faire la prière? Ce n'est pas Babu Sifati Salah, mais Babu Kayfiyati Salah. Le chapitre Comment faire la prière? Comment faire la prière. Donc ici, l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, il dit dans sa parole, il dit, la takounu shara'iyatan illa bin niyya. La prière ne sera légiférée que avec l'intention. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de prière. Ma foi, s'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de prière. Voilà qui l'intention. Mahalluha al-qalb. La place de l'intention, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. On ne prononce pas l'intention. Prononcer l'intention est une innovation. Comme on voit certaines personnes le faire, lorsqu'ils veulent prier la prière des autres, ils disent Nawaitu an usalli salat az-zuhri arba'at raka'at lillahi ta'ala. Je prends l'intention de prier la prière des jours 4 rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hadi bid'ah, c'est une innovation. Donc on ne prononce pas l'intention. L'intention, c'est dans le cœur. Et on a déjà vu cela dans plusieurs de nos durus et expliquer pour qu'on puisse tous comprendre. Donc ici, la takounu shara'iyatan, la prière ne sera prière illa biniyya. C'est-à-dire lorsque tu viens d'arrêter pour prier, il y a dans ton cœur que c'est la prière du jour, je vais prier. N'est-ce pas? Ça se trouve déjà dans ton cœur. Hada yusamma an-niyya, c'est ce qu'on appelle l'intention. Mafoum. Donc cette intention-là est dans le cœur. Et qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions sont basées sur les intentions. Ça va? وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ et chacun aura pour récompense manawa, ce qu'il a pris pour intention. C'est-à-dire ce qu'il a eu comme intention, il aura la récompense de cela. Et dans les hadiths, cela est clair. Dans le hadith est long. Il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ celui que sa hijra est pour Allah et son messager, فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ il aura le mérite de cela. وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ celui dont sa hijra est dunya, c'est pour la dunya, يُصِيبُهَا qu'il cherche à obtenir, أَوْ مَرَأَ ou bien une femme, يَتَزَوَّجُهَا أَوْ يَنْكِهُهَا dans une autre riwaya, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَجْرَ إِلَيْهِ il aura la récompense de sa hijra. Donc, ici, le cheikh Ali Ramli dit « وَقَدْ تَقَدَّمَ » cela a déjà précédé « أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ » que l'intention est une condition « مِنْ شُرُوتِ » parmi les conditions « صِحَّةِ الصَّلَة » de la validité de la prière. L'intention est une condition. قال رحمه الله. Alors ici l'auteur du livre l'imam Shawkani il dit encore il dit wa arkanuha c'est prier. On va parler maintenant des prières de la prière. Wa arkanuha kulluha muftaradatun. Tous ces prières sont obligatoires. Illa sauf qu'ud at-tashahhud al-awsat. Sauf le fait de s'asseoir pour le tashahhud du milieu, pour les prières à ruba'iyya, à sulasiyya. Les prières à trois rakat, il y a deux tashahhud. Il y a deux tashahhud. Les prières à quatre rakat, il y a deux tashahhud. Mais quant aux prières à deux rakat, comme salat soum, c'est un seul. Ça va? Donc, tous les arcanes sont obligatoires. Tous les pliés sont obligatoires, sauf l'assise dans le premier tashahhud wal istiraha. Et ce qu'on appelle jilsatul istiraha. Et le repos. C'est quelle assise? C'est l'assise qu'on fait après la première rakat ou bien après la troisième rakat. C'est-à-dire si on se lève pour aller à la deuxième rakat. Il y a d'autres qui ont l'habitude de s'asseoir un peu et puis de se relever. N'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on est à la troisième rakat et que maintenant on veut aller vers la quatrième rakat et qu'on finit le dernier soujoud de la troisième rakat, on s'assoit un peu avant de se relever. C'est ce qu'on appelle al-istiraha. Jilsatul istiraha, c'est une sunna. C'est une sunna. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait ahyanan, souvent. Ce n'est pas à tout moment, comme on voit certaines personnes le faire aujourd'hui. Ils font cela da'iman. Da'iman, ils font jilsatul istiraha. Wa hadha laysa min as-sunna. On ne fait pas ça da'iman. Il faut le faire souvent. Et vous délaissez souvent. Parce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait souvent, et souvent aussi, il a délaissé. Donc, il va parler maintenant de arkan salat, les pliés de la prière. Al-qiyamu fil faridati lil qadir. Donc premier prier, c'est la station debout dans les prières obligatoires pour celui qui a la capacité. C'est-à-dire le fait de s'arrêter pour prier. Voyez, le fait de s'arrêter pour prier dans les prières obligatoires est un prier. C'est-à-dire celui qui a la capacité de s'arrêter et il s'assoit, sa prière est nulle. Et à la haza unabbi ba'd al-ikhwa. Je tire l'attention de certains frères qui, lorsqu'ils ont une maladie, dans cette maladie, au Bama, souvent, ils ont la capacité de s'arrêter. Mais ils s'assoient. Ça va? Quand tu as la capacité de t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais quand tu n'as pas la capacité, alors ce rukun tombe. Ma amma finnafila. Quand tu as la prière surrogatoire, ça va? Fasunna. C'est une sunna de s'arrêter. Walaysat bi rukun. Ce n'est pas un prier. Le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr et Imran ibn Hussein. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, as-salatul qa'idi ala nissi min salatul qa'in. La prière de celui qui s'assoit est à moitié de la rétribution de la prière de celui qui s'arrête debout. Mais ici, il parle de la prière surrogatoire. Et dans ce hadith, c'est la prière de nuit. Salatul qa'idi ala nisfi salatul qa'id. Donc, ce qui montre qu'il a autorisé de s'asseoir. Mais, à la kulli hal, celui qui s'assoit a la moitié du mérite de celui qui s'est arrêté. Ma foum. وَسَيَاتِ الدَّلِيلُ عَلَى رُقْنِيَةِ الْقِيَامِ. Mais la preuve qui montre que la station debout est une obligation, la preuve va venir à ce sujet. Deuxième plié. تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ. C'est le takbira qu'on appelle takbiratu al-ihram. C'est-à-dire la takbira qui t'interdit les paroles, la takbira qui te permet de rentrer dans la prière. Voilà pourquoi on appelle ça takbiratul ihram. Ça va? Donc cette takbira, allati tadkhulu as-salat biha, que tu utilises pour rentrer dans la prière, cette takbira est un prier. Ça va? Donc lorsque tu viens comme ça à la prière, tu viens trouver l'imam en train de prier. Et roubamment, tu le trouves dans la station debout. Si la première takbira que tu as lancée pour entrer est la takbira de intiqal, tu n'es pas venu avec takbira de l'ihram parce qu'il y a deux takbira. Il y a takbira de mouvement, ce qu'on appelle takbira de l'intiqal. Ça, c'est une sunna. C'est-à-dire le fait de faire cette takbira. Ça va? Chez certains savants, c'est une obligation, mais ce n'est pas un rukun. Toyib. Par exemple, si tu viens trouver l'imam en ruku, on voit certaines personnes, lorsqu'ils viennent, ils trouvent l'imam en ruku, qu'est-ce qu'ils font? Ils lancent un seul takbir et ils descendent. C'est une erreur. Là-bas, on lance deux takbirs. Le premier takbir, c'est takbiratu ihram. Le deuxième takbir, c'est takbiratu intiqal. Ça va? Le premier takbir, c'est takbiratu l'ihram, et le deuxième, c'est takbiratu al-intiqal. C'est très important, yuwal ikhwa, de comprendre cela. Donc, le deuxième plié, c'est takbiratu ihram. Le troisième plié, c'est qira'atu al-fatiha, la lecture de la sourate al-fatiha. La lecture de la sourate Al-Fatiha. Alors, c'est un prié. Tayyib. Quatrième, le ruku, c'est ce qu'on appelle la genou flexion. Ça va? Al-Khamis, cinquièmement, Ar-Raf'u min ar-Ruku. Le fait de se lever du ruku et de s'arrêter. Wal-I'tidalu. Et de se dresser qa'iman, bien debout. Pas comme ceux, lorsqu'ils quittent, en même temps qu'il est quitté, en ruku, il descend. Ça va? Hada la yajuz, c'est pas permis. Si tu fais cela, tu n'es pas venu avec le rukun. Et si tu continues la prière de cette manière, ta prière est nulle. Vous comprenez? Donc, on doit se redresser complètement. Ça va? Jusqu'à ce que les os même du vertèbre se mettent à leur place. Ça va? Voyez. Sixième prière, as-sadis, as-sujoudul awwalu wa thani. Le premier sujoud et le deuxième sujoud dans tous les rakats. Le premier sujoud et le deuxième sujoud. Cela aussi est un prière. Ça va? As-sabi'u, septième, al-julusu bayna sagidatayn. L'assise entre les deux sujoud. L'assise entre les deux sujoud. Donc, on doit s'asseoir. Contrairement à ce qu'on voit de certaines personnes, à peine il soulève sa tête, il redescend. À peine il soulève sa tête, il redescend. C'est-à-dire, il fait comme ça. Ça va? Donc, ceux-là ne sont pas venus avec le rukun. Voyez. Ensuite, il dit at-tamaninatu, l'apaisement fi jamil arkan. Lorsqu'on dit at-tamanina, c'est-à-dire lorsque tu fais un plié. Par exemple, tu vas en ruku, tu dois te stabiliser. Ça va? Te stabiliser même. Et wa qadru zalika an taqul subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tu dis cela trois fois. Donc, quand tu finis maintenant, tu te lèves. Lorsque tu reviens maintenant, debout, tu te dresses. Bien. Ça va? Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, neuvième prière. Donc, ce tomanina est un prière. Ça va? L'apaisement là est un prière. C'est le huitième. C'est-à-dire le fait de se tranquilliser dans chaque rukun. Ça va? Donc celui qui ne respecte pas cela, il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Le fait d'aller, de revenir, d'aller, comme on voit certaines personnes, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Ali Shabiswallah. Ce n'est pas la prière. Ensuite, neuvièmement, At-Tasir, Tartibu. هذه الأركان على ما بيناه. Le tartib, c'est-à-dire le fait de prier en disposition, c'est-à-dire le tartib, en suivant la disposition de la prière. Par exemple, si tu vas en ruku, tu dois revenir. Ne dis pas je vais en sujoud avant de revenir en haut. Donc c'est ce qu'on appelle le tartib. Ça va? طيب دونك دي هذا كله في جميع ركعات الصلاه et tout cela se fait maintenant dans tous les rakaat de la prière. On a mentionné combien? 9. Le premier c'est quoi? Takbiratu la al-qiyam fi al-farida al-qudra. Le fait de se dresser debout dans la prière obligatoire. Le deuxième, c'est quoi? Takbiratul ihram. Le troisième, c'est la récitation de la Fatiha. Quatrième, c'est quoi? Le ruku. Cinquième, c'est quoi? Arrafu min arruku'i wal-i'tidali qa'iman min. C'est-à-dire se lever de ruku et se dresser. Toyeb. Le sixième, c'est quoi? As-sujoudul awwal wa thani. Le premier sujoud et le deuxième sujoud. Le septième, c'est quoi? الجلوس بين السجدتين. C'est de s'asseoir entre les deux sujoud. Ça va? Le septième, at-tumanina fi jami'il arkan. C'est-à-dire l'apaisement dans tous les pliés. Mafhoum? Et puis le neuvième, c'est tartib. Le fait de le faire à la disposition de façon rangée. Mafhoum? Tayyib. Donc ici, il dit hadha kulluhu fi jami' rak'ati salat. Tout cela vient dans les rak'at de la prière. Tout cela dans les rak'at de la prière, tu dois respecter. Mais ici, le cheikh n'a pas mentionné at-tashahhud al-akhir wal julus la wa taslim. Ou bien le dernier tashahhud, n'est-ce pas? Il dit hadha, on va lire sa parole. Il dit hadha ma sabata indi fil arkan. Il dit c'est ce qui est authentique chez moi parmi les pliés. Mais il dit wal khilafu, la divergence qawiyun, c'est très fort, la divergence est très forte fi tashahhud al akhiri, au sujet du dernier tashahhud, wal julusu, et de s'asseoir dans le dernier tashahhud, wa taslim, et le fait de lancer la salam. Il dit le khilaf est très grand. D'autres savants disent que c'est un plié, d'autres savants disent que c'est une obligation, mais je souligne pour dire que il y a des savants, ils ne mettent aucune différence entre l'obligation et le plié. Tout est obligatoire. Ça va? Ils disent wajib, ils veulent parler du plié et de l'obligation. Mais là, le cheikh il dit, cette divergence au sujet du dernier tashahhud, est-ce que c'est un plié ou bien c'est pas un plié, c'est une sunnah. Le dernier tashahhud, le fait de s'asseoir dans le dernier tashahhud et le salam. Le cheikh Ali Ramli dit Warraji. Il dit pour lui, c'est ce qu'il dit Arraji, il dit la parole qui prend le dessus, Annaha Laysat Arkanan. Il dit ce n'est pas plié. Si on se base sur sa parole, ça veut dire que on peut sortir de la prière sans même, et puis notre prière sera correcte. Parce que c'est pas un plié. Voyez? Si on délaisse cela par oubli, la prière est valide. Voyez? Voilà que le dalil de Cheikh Ali Ramli ici, c'est le dalil al-Moussi ou Salatihi. Celui qui a mal prié, qui vient dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Ici, on va lire le hadith de Moussi il a Salati. On va lire les arguments de Cheikh Ali Ramli. Et le ta'liq maintenant que nous allons faire sur cela, bismillah, nous allons apporter le ta'liq. Pas moi, mais à la quoi le ahl al-ilm, avec la parole des gens de science. Il dit, wa dalil wahadil arkan, il dit le dalil des arcanes, de ce qu'on a affirmé comme plié. Ça va? Il dit, c'est le hadith, al-musi salati, celui qui a mal prié. الذي أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإمام البخاري الإمام مسلم من حديث أبي هريرة بحديث لأبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد أبو هريرة دي البروفيسور صلى الله عليه وسلم رانتري دان المسجد فدخل رجل ينطر أمي رانتري فصلى إلى بريه ثم جاء فسلم. Ensuite, lorsqu'il a fini la prière, il est venu, il a lancé la salam au prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit assalamu alaykum. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a fini de répondre, il dit irji, il dit retourne-toi. فصلي فإنك لم تصلي. Il dit retourne-toi et prie car tu n'as pas prié. Tayyib, retourne-toi et prie, car tu n'as pas prié. Ça va? Tayyib? Non. Tu n'as pas compris? Non, merci. Tayyib. فرجع الرجل l'homme s'est retourné fa salla kama kana salla comme il avait prié summa ja ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ensuite il est venu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fa sallama alayhi il lui a lancé encore la salutation fa qala rasul sallallahu alayhi wa sallam wa alayka as-salam le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répondu wa alayka as-salam summa qala ensuite il lui a dit irji fa salli fa innaka lam tusalli et dit retourne-toi et prie car tu n'as pas prié. Voyez, hatta fa'ala dhalika thalath marrat jusqu'à ce qu'il a fait cela trois fois. Faqala ar-rajul mais l'homme la troisième fois il dit walladhi ba'athaka bil haqq je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité ma ufsinu ghayra hadhihi il dit je ne peux pas faire mieux que cela. L'homme, il a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je ne peux pas faire mieux que cela. Voyez. Donc, il a dit, Alimni. Il dit, ô messager d'Allah, enseigne-moi. Qala. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Idha kumta ila salat, lorsqu'il se titulait pour la prière, fakabbir. Fais le takbir. Allahu akbar, summa qara. Ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Et lis ce qui est facile pour toi du Coran. Summarka. Ensuite, fais ruku. Hatta tatma'inna raki'an. Jusqu'à ce que tu sois apaisé dans le ruku. Summarfa. Ensuite, lève-toi. Hatta ta'tadil qa'ima. Jusqu'à ce que tu sois bien dressé. Dans une autre riwaya, hatta tastawi qa'iman. Jusqu'à ce que tu sois bien stable. Dans la station debout. Summa sujud. Ensuite, fais le sujud. Hatta tatma'inna sajidan. Jusqu'à ce que tu sois apaisé dans le sujud. Summa rfa. Ensuite, lève-toi. Hatta tatma'inna jalisan. Tu t'assois dans le julus baina sajidatayn. Tu t'assois jusqu'à ce que tu sois apaisé. Summa fa zalika fi solatika kulliha. Et fais cela dans toute ta prière. Voyez. Dans une autre riwaya des deux authentiques, il a dit Idha kumta ila salat, lorsque tu te lèves pour la prière, il dit fa asbir al wudu, il dit perfectionne l'ablution. Summa staqbil al qibla, ensuite dirige-toi vers la qibla fa kabbir et lance takbir. Dans une autre riwaya de l'imam Bukhari, il dit summa stud. Ensuite, prosterne-toi, hatta tatma'inna sajidan marratan sani. Il a dit cela deuxième fois. Wa hadith al-musi salati. Le hadith de celui qui a mal prié. Musi salati. Yadullu ala wujubi ma dhukira fi. Montre l'obligation de ce qui a été mentionné. Lianna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam amarahu an yaf'ala fi salatihi, lui a ordonné de faire dans sa prière ma zakara lahu fihi, ce qu'il a mentionné. Ensuite, le cheikh Ali Rambi dit wa yadullu aidan, alors cela montre aussi ala anna ma lam yazkur fihi laysa biwajibin fi salah. C'est-à-dire ici ce qui n'a pas mentionné dans la prière. Alors cela montre que ce n'est pas une obligation. Voyez, les annal maudé, il dit qu'à cette place-là, maudé au talim, c'est la place de l'enseignement. Wabayanu lil jahil, et c'est la clarification pour que l'ignorant puisse comprendre. Watarif li wajibi salat, et de faire connaître les obligations de la prière. Wan nabi sallallahu alayhi wa sallam indama allamahu zakara lahu ma asaha fihi. Il a mentionné ce qu'il a mal fait dans la prière, wa ma lam yusifi, et ce qu'il n'a pas, yani, ce qu'il a vu juste dans la prière. Il a mentionné tous les deux. Toyib, voici l'argument qu'a apporté le cheikh Abel Hassan Ali Ramli. Car il dit que dans le hadith, il n'a pas été mentionné Tashahoud al-Akhir. N'est-ce pas? Le dernier, Tashahoud. Il n'a pas aussi été mentionné Salat ala Nabi. N'est-ce pas? Ni le Taslim. Donc il dit, c'est ce qui montre que ce n'est pas une obligation. Voyez, voici l'argument qu'il a apporté. Voilà qu'il, d'abord, les savants se sont divergés sur ce sujet-là, sur le tashahhud al-akhir ou al-julus lahu. Les Shafi'iyya ainsi que les Hanabila, ils disent que c'est un plié. Et je vais vous apporter la preuve. Ça va? Istadallu bi hadith ibn Mas'ud. Ils ont argumenté avec le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Ibn Mas'ud, il dit quoi? Kunna naqulu. On disait, qabla an yufrad alayna at-tashahhud. Avant que le tashahhud ne nous soit rendu obligatoire. Ça, c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, assalamu ala Allahi, assalamu ala Jibril, wa Mika'il. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, la taqulu hakaza. Ne dites pas comme ça. Walakin kulu attahiyyatu lillah. Mais dites, attahiyyatu lillah. Et le hadith vient d'Al-Bukhari ou Muslim. Mais, rakizu, concentrez-vous sur le lafz d'Ibn Mas'ud. Il dit, kunna naqulu qabla an yufrada alayna atashahud. N'est-ce pas? Tayyib. Donc ici, l'imam Al-Shawkani, dans son livre Néoul Autar, il fait un bab spécial où il dit dans le bab, babu fi anna tashawwud fi salati fard. Il dit chapitre, le tashawwud dans la prière est une obligation. Ça va? Et il vient avec ce hadith. Comme je vous ai dit, Cheikh Ali Ramli et d'autres savants, ils ne trouvent aucune différence entre le mot rukun et fard. Mais ils divisent le fard en deux catégories. Il y a des fard dont on peut corriger par deux sujoud lorsque on oublie. Mais il y a des fard, on ne peut pas corriger par deux sujoud sauf si on le fait. Mais les savants, les Shafi'iyya comme ça, ils mettent la différence. Ils disent qu'au lieu de dire fard et on divise à deux, pourquoi ne pas dire rukun et fard? La rukun, ça lorsqu'on délaisse, on vient avec. Et le fard, lorsqu'on délaisse par oubli, on répare par des sujoud. Est-ce que vous suivez? Tayyib. Donc, voici leur argument, ceux qui disent que le tashahhud est une obligation. Mais ceux qui disent que le tashahhud n'est pas une obligation, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ce n'est pas venu dans le hadith al-Mussi, de celui qui a mal prié. Ce n'est pas venu. Alors ici, on va lire ce que l'imam Ibn Qudama, il a dit dans son livre Al-Mughni. Et on va comprendre ici ensemble, Inch'Allah. L'imam Ibn Qudama, au sujet de Fard et de qu'est-ce qu'il a dit? Il dit أن المشروع في الصلاة سكال جفري dans la prière ينقسم قسمين واجب ومسنون واجب سكال سنة فالواجب النوعان il dit le واجب est de deux sortes ça va deux catégories أحدهما لا يسقط في العمد l'une des catégories ne tombe pas lorsqu'on le délaisse par, c'est-à-dire, on le délaisse sciemment et aussi dans le sahou, par distraction. C'est ce que Al-Kharqi a mentionné dans cette masala, wa asharatu ashiya. C'est 10 choses. Takbiratul ihram, qiraatul fatiha l'imam wal munfarid, qiraatul fatiha pour l'imam et celui qui est derrière l'imam, wal qiyam, la situation debout, wal ruku, le ruku, wal itidal, le fait de se dresser, hatta tatma'in, wal sujoud, le sujoud, wal itidal anhu bayna sajidatayn, se dresser entre deux sujoud, hatta yatma'inna, wa tashahhud fi akhir as-salah. Regardez ce qu'Ibn Qudama il a dit. Watashahud fi akhir as-salah. Il met cela dans l'ensemble de ce qui rentre dans l'obligation dont on ne peut pas corriger par deux sujoud. Vous comprenez? Waljuloussoula, le fait de s'asseoir. Wassalamu, et le salam. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا فهذه تسمى أركان للصلاة. Il dit c'est ce qu'on mentionne comme les pliés de la prière. La tasqutu fi amdin wa la sahu. C'est-à-dire l'obligation de cela ne tombe pas sur une personne ni si de la siyama ou bien par distraction. Wa fi wujubi ba'di dhalika ikhtilaf. Et dans l'obligation de certains d'entre eux, il y a ikhtilaf fi ma mada, de ce qui a passé. Comme par exemple l'ikhtilaf qui est sur tashahhud al-akhir. Mais lui, il a mentionné cela parmi les priés. Wa qala mas'ala, qala wa man taraka shay'an min at-takbir ghayra takbirat al-ihram. Celui qui délaisse quelque chose parmi les takbirs, en dehors de takbirat al-ihram, ou bien tasbih dans le ruku', ou bien tasbih dans le sujoud, subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-azim, ou qawlu sami'allahu liman hamda, ou bien la parole sami'allahu liman hamda, ou qawlu rabbana wa lakal hamd, il délaisse cela, ou rabbi ghfili, rabbi ghfili, rabbi ghfili, ou tashawud al-awwal, ou bien le premier tashawud, ou salat ala al-nabi fi tashawud al-akhir amidan, ou bien il délaisse tashawud, dans le dernier tashawud, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, siyama batu la salatu, sa prière est nulle. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Wa man taraka shay'an minhu sahiyan, celui qui délaisse maintenant quelque chose par de ce qu'on vient de dire, hein, de la deuxième catégorie qu'on vient de dire, celui qui délaisse par distraction, atabisaj detei sahu, il vient avec les deux sujouds de distraction. هذا النوع الثاني من الواجبات. Voici le deuxième, la deuxième catégorie des obligations. وهو هي ثمانية. C'est 8. في وجوبها روايتان. Dans son obligation, il y a deux riwayas. إحداهما أن واجبة. Première riwaya qui est obligatoire. وهو قول إسحاق. La parole d'Isaac ibn Rahouya. والأخرى et les autres, ils disent ليست واجبة. وهو أكثر قول الفقهاء. La majorité, illa anna shafi'i, sauf l'imam shafi'i, awjaba minha as-salat ala nabi wa dammanahu ila l'arkan. Il a rendu obligatoire as-salat ala nabi et l'a relié au prier. L'imam shafi'i, rahmatullah alayhi. Donc, ici, nous allons lire et après nous allons faire le ta'liq. C'est une partie ici. Walakin, ici nous avons le hadith qui vient de Abdullah ibn Mas'ud, n'est-ce pas, qui montre que il disait une invocation avant que le tashahhud le soit rendu obligatoire. Ça va? Lorsqu'on dit obligatoire, cela veut dire c'est wajib, celui qui délaisse sa prière est nulle. Voyez. Donc, on va avancer un peu devant et je vais vous expliquer le jugement sur As-Salat al-Nabi. Est-ce que c'est une obligation ou c'est un plié dans la prière? Voyez. Ensuite, le cheikh dit, wa amma tashawud al-awsat, quant au tashawud du milieu, wa al-julus al-istiraha, et l'assise du repos, fa min sunani salat la min arkaniha. Et ça, cela fait partie des sunan de la prière. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète s'est délaissé cela, et qu'on l'interpellait, il continuait sa prière. Si c'était une obligation, il devait revenir. Ça va? Vous comprenez? Il devait revenir. Mais, ça rentre dans le sunan de la prière. Il n'est pas revenu parce que ce n'est pas une obligation. Voilà pourquoi il a réparé par des sujouds de sahou. Ça va? Voyez? Ok. Donc ici, il dit, voilà, farqa indi. Le cheikh Ali Rami dit, il n'y a pas de différence chez moi, baina arkani salat wa wajibatiha, entre les prières et les obligations de la prière. Il n'y a pas de différence. Ça va? Donc ici, cela montre que c'est la même chose que l'imam Ibn Qudama, il a dit ici, al-Maqdisi. Il a divisé le wajib en deux catégories. Il y a des wajibs qui sont comme les prières, il y a des wajibs qui ne sont pas comme les prières. Et on les répare par des soujouts. Ça va si on les délaisse par distraction. Donc, il dit « Wahuwa mazhabul malikiyya wa shafiyya ». Il dit « C'est le mazhab des malikiyya et des shafiyya ». C'est qu'eux ne voient pas la différence. C'est-à-dire, c'est la même chose. Prier, obligation. Wa ammal ahnaf, quant au hanafiya, wal hanabila, et les gens qui suivent le mazhab de l'imam Ahmad, fa yufarrikuna bayna al arkan wal wajib, et mettent la différence entre le prier et l'obligation. Ils mettent la différence. Ça va, ma foi? Tayyib. Fa yaj'alu al hanabila. Les Hanabila, ils mettent al-wajibat tujbaru. Pour eux, les obligations se compensent par sujoud sahou fi halin nisyan. Par le sujoud sahou lorsqu'on oublie. Ça va? Wa ammal arkan, quant au prier, fa yajibu an yati yabiha. C'est obligatoire de venir avec wa tabtulu salat, la prière devient nulle bi adam al ityan biha, si on ne vient pas avec wa in tarakaha sahwan, même s'il délaisse cela par distraction. C'est ce qu'est le prier. Ça va? Donc ils mettent maintenant la différence. Tayyib. OK. Qala rahimahullah. Ensuite il dit ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة ولو كان مؤتما والتشهد الأخير والتسليم. L'imam Shawkani dit n'est obligatoire des askar de la prière que le takbir al-ihram, la fatiha dans tous les rakat, et même si la personne un mot terme, c'est-à-dire, il suit l'imam. Ça va? Et le tashahoud, le dernier tashahoud et le taslim. Voilà le mazhab de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani trouve que le tashahoud al-akhir est une obligation. Mais Cheikh Ali Rami dit quoi? Ce n'est pas un plié. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas de différence entre plié et obligation chez lui. Donc c'est qu'il ne trouve pas que c'est obligatoire. Ça va? Et on va revenir sur cela. Ici, takbiratul ihram, il dit takbiratul ihram rukunu min arkani salat kama taqaddam. C'est un plié parmi les pliés de la prière, comme nous avons vu. Les zikriha fi hadith il musi salati. Parce que cela a été mentionné dans le hadith de celui qui a mal prié. Wa kadhalika al-fatiha. C'est de même la fatiha. De qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la salat aliman lam yaqra bi fatiha del kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité surat al-fatiha, n'est-ce pas? Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim et c'est le hadith de Ubadat bin Samit. Ensuite, il dit Watajibu fi kulli rak'ah. Et la fatia est obligatoire dans toutes les rak'at. Hada qawl sahih. Ça va? Dans toutes les rak'at. Dans toutes les rak'at. Le qawli fi hadith al-musi salati. À cause de sa parole. Dans le hadith de celui qui a mal prié, il dit ifa zalika fi salatika kulliha. Il dit fais cela dans toute ta prière. Ça va? Amma fi hali kawnihi ma'mouman. Quant à la situation de celui qui suit l'imam, ça va? Fi salati jahriya, dans la prière à haute voix. Alors, fala yukra biha. Il ne lit pas la fatia. Naam. Et nous avons déjà expliqué cela. Wa takunu qira'atul imam. La récitation de l'imam va prendre lahu qira'a. Va prendre la place de sa qira'a. Le qawli Allah tabaraka wa ta'ala, à cause de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans surat al-A'raf, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Si le Qur'an est lu, écoutez et taisez-vous. Voici l'aya fi salat. Ce verset est dans la prière. Kama qala ghayru wahid min as-salaf. Comme cela est venu de beaucoup d'entre les salaf. Wal ahadith alladhi yastadilluha al-mukhalifun. Les ahadith dont se basent dessus ceux qui contredisent cela, le Cheikh Ali Ramni dit, il dit da'ifatan ghaliba. La majorité sont ta'if, ceux qui disent qu'il doit lire derrière l'imam, même si l'imam récite à haute voix. Il doit lire, le Cheikh Ali Ramli dit que les hadiths en général sont ta'if ou bien mal interprétés. Ça va? Donc nous allons arriver maintenant sur notre masala. Il dit « Amma tashahud al-akhir ». Il dit quant au dernier tashahud, fallait savoir wajib. Il revient encore dessus. Il dit ce n'est pas une obligation. Et annahu lam yuzkar, car cela n'a pas été mentionné fi hadith al-musi isolati, dans le hadith de celui qui a mal prié. Le Cheikh Ali Ramli dit law kana wajiban la zakarahu la. Si c'était une obligation, il allait mentionner. Fala yajuzu ta'khirul bayan an waqt al-haja. Il n'est pas permis de retarder la clarification du moment de besoin. N'est-ce pas? Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'allama al-musi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à celui qui a mal prié, ma asa'a fi, ce qu'il a mal fait. Wa man lam yusifi, et ce qui n'a pas mal fait, kama zakarna, comme nous avons mentionné. Il continue. Il dit wa amma taslim, quant au taslim, falam yuzkar fi hadith al-musi salati. Cela n'a pas été mentionné dans le hadith de celui qui a mal prié. Wa hadith Ali, et le hadith de Ali qui dit miftahu salati tuhur. La clé de la prière est la purification, wa tahrim wa takbir, et ce qui te fait rentrer dans la prière est le takbir, wa tahliluha taslim, et ce qui t'autorise maintenant la parole, c'est le salam final. Il dit ce hadith est da'if. Ce hadith est da'if, c'est rapporté par Abu Daoud, et dans la riwaya il y a de la riwaya d'Ibn Aqil, et le hadith est da'if. Il dit, il y a des riwaya aussi qui sont venus, qui sont wahima et wahia, c'est-à-dire des riwaya, le waham, d'imagination. Le hadith de Ali est mursal. C'est-à-dire, ça ne remonte pas jusqu'au professeur Assel. Donc ici, voici ce qu'a dit le Cheikh Ali Ramli, hafizahullah ta'ala. Donc nous allons revenir sur cette mas'ala pour dire que ici, en ce qui concerne l'obligation ou bien rukniya de tashahud al-akhir, La majorité des gens de science, ils sont allés sur cela. Ils disent que attachahud al-akhir ruknun min arkan as-salah. C'est le mazhab de l'imam Shafi'iyya, des Hanabila, de Daoud al-Zawahiri, et c'est une parole aussi chez les Malikiyya. Et wabihi qalat ta'ifatun min as-salaf, et c'est la parole qu'a choisi les deux savants de notre époque, les deux grands savants, Ibn Baz, Ibn Uthaymeen. Ça va? Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui dit kunna naqulu fi salati qabla an yufrad alayna at-tashahhud. Donc le dalil, c'est cela. Maintenant le dalil de l'imam Ali Ramli hafizahullah ta'ala, c'est ce que nous avons mentionné. Il dit que si c'était une obligation, alors cela aurait été mentionné dans le hadith Moussi la Sola. Lakin, certains savants ont répondu à cette ambiguïté. Ils disent quoi? Ils disent dans le hadith Moussi la Sola, dit le hadith de celui qui a mal prié. Ça va? Le hadith de celui qui a mal prié. Ils disent que le professeur Sam n'a pas mentionné la niya. Pourtant la niya, c'est une obligation. N'est-ce pas? Toyeb. Il n'a pas mentionné aussi dans certains riwaya, la majorité des riwaya même, Al-Fatiha. Mais comment nous avons su que c'est un rukun? Parce que la Fatiha vient dans un autre hadith. N'est-ce pas? Mais est-ce que le tashahhud al-akhir aussi ne vient pas dans un autre hadith? Hein? Je vais vous lire la parole de Cheikh Albani sur cette mas'ala. Et puis le ta'liq qu'a fait Cheikh Mohammed ibn Omar al-Bazmoul sur cela. Alors ici, le Cheikh Albani, rahimahullah, rahmatan wasi'a, dans son sifat salat, il dit wujub at-tashahhud. Et il vient ici wujub at-tashahhud. Dans le wujub at-tashahhud, l'imam Muhammad ibn Omar Bazmoul, le sheikh, il dit allaq al-musannif huna fi salat an-nabi bi qawli wa alam. Afwan, ici il vient d'abord avec l'obligation et il vient avec la parole, c'est-à-dire le hadith de Ibn Mas'ud radiallahu anhu. Donc si nous avons déjà vu cela, alors nous parlons maintenant de l'obligation de as-salatu ala nabi, parce que déjà c'est clair que tashahhud al-akhir, il y a un hadith qui est clair dessus, qui montre que c'est une obligation. Le tashahhud, c'est quoi? La tahiyyatu lillah, hein, wa tayyibat wa salawat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, et ashhadu an la ilaha illallah, jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle le tashahhud, le dernier tashahhud. Après ce tashahhud, il y a as-salat ala nabi. Est-ce que c'est une obligation? Alors nous allons voir cela bi iznillahi tabaraka wa ta'ala. Alors ici, dans la mas'ala de salat ala nabi, est-ce que c'est un prier ou bien une obligation dans la prière, comme cela est connu chez certains savants, étant la même chose? Ici, ikhtalafa al-ulama, les savants se sont divergés fi mas'alati salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da tashahhud al-akhir ala qawlayn. Ils sont divergés sur deux paroles. Al-qawlu al-awwal, la première parole, as-salatu ala nabi fi tashahhud al-akhir sunnah. La première parole, ils disent que c'est une sunnah. Ça va? Wa hadha mazhab al-hanafiyya. C'est le mazhab des hanafiyya. Wa al-malikiyya, et c'est une riwaya aussi qui vient d'imam Ahmad. وهو المذهب الظاهرية. C'est le madhab des Zahiriyya aussi. وهو قول أكثر أهل العلم. Et c'est la parole de la majorité des savants. واختاره ابن جرير. L'imam ibn Jarir a choisi cette parole. Ainsi que l'imam ibn Munzir, l'imam ibn Abdul Barr, l'imam Usaymin. Et il a rapporté ainsi le ijma sur cela. La preuve de cela, c'est le hadith de Al-Qama, qui dit, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu l'a pris par la main. Et lui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a pris aussi par la main. Ça va? Et lui a enseigné le tashahhud dans la prière. Et lui a dit, At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat. Et il a enseigné cela. N'est-ce pas? Et Zuhayr dit, Hafiztu anhu, insha'Allah, celui qui rapporte le hadith de Al-Qama, d'après Ibn Mas'ud, il dit, j'ai mémorisé de lui aussi, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Summa, il dit, Qala idha qadayta hadha. Il dit que le messager d'Allah sur la sonde lui a dit à Ibn Mas'ud, si tu finis cela, فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا, c'est-à-dire si tu fais le tashahhud, n'est-ce pas, si tu finis cela, فَقَدْ قَدَيْتَ صَلَاتَكَ, c'est que tu as fini ta prière. إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومْ فَقُمْ, si tu veux te lever, lève-toi. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُعُدْ, si tu veux rester assis, فَقُعُدْ, assois-toi. Alors ce hadith est la preuve dont se base ces savants pour dire que ce n'est pas obligatoire, c'est une sunna. Parce que dans le hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné as-salat ala nabi. Ça va? Il n'a pas mentionné cela. Donc ici, la parole, la deuxième preuve maintenant, Sanyan. La deuxième preuve de cela, c'est Anna Salat Lam Truwa Fi Tashahud Ahadi Mina Sahaba Al-Ladina Rao Tashahud. As-Salat al-Nabi n'est pas venu dans un seul des riwayas des compagnons qui ont rapporté le Tashahud dans la prière. La salat à la Nabi n'est pas venue là-bas. C'est pas venu dans leur riwayat. Donc il dit, si c'était un prié et une obligation, il y a combien de compagnons qui ont rapporté si pas le salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mais, si c'était un prié, ou comme on peut le dire aussi, une obligation, ils allaient le rapporter. Mais c'est pas venu dans la riwaya de l'un d'entre eux. Al-Qawlu Salis, la troisième parole. Ils disent, non, voici, c'est le deuxième dalil, c'est les deux dalil dont ils se basent dessus. Maintenant, la deuxième parole maintenant qui dit que la salat à l'Nabi sallallahu alayhi wa sallam est une obligation dans Tashahhud al-Akhir, et disent que la tasqutu amdan wa la sahwa. Si tu laisses sciemment ta prière nulle, si tu laisses aussi par oubli, tu dois revenir dessus. Sinon ta prière nulle. Et je base sur quel dalil? D'abord, c'est le mazhab aussi de l'imam Shafi'i. Ça va? Et les Hanabila. Les Hanabila aussi, ils ont une riwaya de l'autre côté. Ça va? Et c'est la parole de certains Malikiya, et c'est ce qu'a choisi l'imam Ibn al-Arabi et aussi un groupe parmi les Salaf. Ibn Baz rahimahullah a choisi aussi cette parole pour dire que c'est une obligation. Quelle est la preuve? La première preuve, c'est la hadith de Ka'b ibn Ujra radiallahu ta'ala anhu qui dit, إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا. النبي صلى الله عليه وسلم استرسلنا. فقلنا يا رسول الله نلا وندي أمي سيد الله علمنا كيف نسلم عليك. Enseigne-nous comment on doit prier sur toi. Et on doit te saluer. Hein? Non, Afwan, on a su comment on devait te saluer. Mais comment on doit prier sur toi? Fakayfa nusalli alayk? Qala ila dikulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Donc, voici la première preuve. Ça va? Mais est-ce que dans la preuve ici, il y a une obligation? Hein? Parce qu'ils disent, ils ont dit, on a su comment Yann était salué dans la prière. Tahiyatu lillah wa assalamu ala nabi. Mais, on ne sait pas comment prier sur toi. Ça va? Est-ce qu'ici, il y a un ordre du prophète Rasoul direct, ou bien ils sont venus min bab istihbab, c'est-à-dire ils veulent savoir comment prier sur lui. Ça va? Mais certains savants disent que c'est une obligation. Pourquoi? Parce que Allah dit inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi. C'est un ordre. Donc ils se sont basés sur cela pour dire que ce hadith vient expliquer comment on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la prière. Ça va? Tayyib. La deuxième preuve, c'est le hadith de Abi Mas'ud al-Ansari, qui dit, Atana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fi majlis Sa'd ibn Ubada. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous pendant qu'on était dans l'assise de Sa'd ibn Ubada. فقال له بشير بن سعد بشير بن سعد الى ديو بروفيسور صلى الله عليه وسلم امرنا الله تعالى نصلي عليك الله nous a ordonné de prier sur toi يا رسول الله فكيف نصلي عليك comment on doit prier sur toi قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا انه لم يسأل il s'est tu jusqu'à ce que nous même on a voulu même si lui la même il posait pas la question c'était mieux voyez. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انسيت الى دي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد الى بناء الصلاه الابراهيميه dans une autre riwaya il dit فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك c'est-à-dire comment on prie sur toi si nous prions. Donc وهو دلاله c'est que ce hadith et les autres hadiths montrent l'obligation de prier sur le prophète parce que Allah dit de prier. Tayyib. Wal amru yaqtadi al-wujub. Et l'ordre ici implique l'obligation. Et c'est venu de façon claire dans certains riwayas que cela était dans la prière. Ça va? Maintenant, deuxièmement, c'est que anna al-amra bis-salati alayhi lil-wujub. L'ordre qui a été donné ici de prier sur le prophète, c'est l'obligation. Et la meilleure place où on peut prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans la prière. Et aussi c'est venu aussi anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait dans son tashahhud, kana yaqulu fi tashahhud wa amarna an nusalli ka salatihi. Il disait cela et nous a ordonné de prier comme sa prière. Alakul lehal, le verset est âme, le verset est général. Ça va? Et c'est pas venu dans la riwaya d'un seul compagnon. Tashahhud dans la prière. Ça va? Et afwan, salat ala nabi dans la prière. Donc ici, ce que nous plaçons en avant, c'est ceux qui disent que ce n'est pas une obligation. Pourquoi? La preuve est très claire de leur côté. Est-ce que vous comprenez? Car si c'était une obligation, les compagnons, dans la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils allaient venir avec ça de la manière qu'ils sont venus avec le tashahhud. Est-ce que vous comprenez? Mais l'ordre qui est venu dans le Coran ici, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. C'est un autre qui est général. On prie sur le prophète sallam les vendredis. On prie sur le prophète sallam dans n'importe quelle situation. N'est-ce pas? Et lorsqu'on mentionne le nom du prophète sallam, on doit dire alayhi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, voici la mas'ala. Ensuite, il a dit, وَمَا عَدَى ذَلِكَ فَالسُّنَنْ. Ce qui est en dehors de cela, ce sont les sunan. Les sunan. Les sunnah. Ce qui n'est pas obligatoire. أي من الأقوال والأفعال. Parmi les paroles et les actes. لأنه لم يرد ما يدل على وجوبها. Car rien n'est venu montrer que c'est une obligation. Voilà pourquoi il va mentionner cela et il va dire que c'est le sunan. ولم تذكر في حديث المسيء صلاتي. Et cela n'a pas été mentionné dans le hadith de celui qui a mal prié. قال il dit الرفع في المواد الأربع. Le fait de soulever la main dans les quatre endroits. C'est une sunnah. وَالضَّمُّ. Le dom ici, c'est le fait de mettre la main droite sur la main gauche. C'est ce qu'est le dom. Ça aussi, c'est une sunnah. وَالتَّوَجُّهُ. Le tawajjuh ici, c'est du'a ou l'istiftah. L'invocation de l'ouverture. C'est ce qui est à tawajjuh. Ba'da takbira. Le tawajjuh après la takbira. Ça va? Wa ta'awuz. Ainsi que le ta'awuz. C'est-à-dire le fait de dire a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ta'minu. Et le fait de dire amin. Ça va? Wa qira'atu ghayr al-fatiha ma'aha. Et réciter autre sourate que la fatiha. Avec la fatiha. C'est-à-dire, juste après la fatiha, le fait de réciter une autre sourate est une sunnah. Wa tashawwud al-awsat. Et le tashawwud du milieu. C'est une sunnah. Ça va? Wa al-azkar al-waridatu. Et les azkar qui sont venus. Ça va? Fi kulli rukun. Dans chaque plié. Wa al-istiksaru min ad-du'a. Et le fait de multiplier les invocations. Bi khayri dunya wal akhirah, en recherchant les deux biens de la dunya et de l'au-delà, bima warada wa bima lam yarid, ce qui est venu et ce qui n'est pas venu. Tayyib. Donc ici, voici ce qui fait partie des sunan. Le premier c'est ar-raf'u fil mawadi al-arba, le fait de soulever la main dans les quatre endroits. Ay raf'u al-yadayn wal mawadi hiya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, on soulève la main jusqu'à l'oreille. Ça va? On soulève la main jusqu'à l'oreille. Ok? Ensuite, on soulève la main jusqu'à l'oreille. Viens voir ça. Regarde seulement. On soulève la main jusqu'à l'oreille. Takbirat al-ihram wa inda ruku'i. Et lorsque nous sommes en ruku, c'est-à-dire nous descendons en ruku, on soulève la main. Wa inda i'tidali min ar-ruku. Lorsqu'on se relève du ruku, on soulève la main. Wal mawdi'u ar-rabi'. Et quatrième endroit, c'est inda al-qiyam ila rak'ati ath-thalith. Lorsqu'on s'assoit pour la deuxième rak'at et que on veut se lever pour la troisième rak'at, on soulève les deux mains. Donc, voici les quatre endroits où on doit soulever les mains lorsqu'on lance takbir. Premier endroit, c'est où? Takbiratul ihram. Deuxième endroit, inda ruku. Troisième endroit, arrafu mina ruku. Et le quatrième endroit, quatrième. Troisième rakat. Ça va? Tayyib. Amma al-mawdu salis. Quant aux trois endroits, al-awwal, les trois premiers endroits qui ont été mentionnés, فقد ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين. C'est venu dans le hadith d'Ibn Omar, dans les deux authentiques. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. J'ai vu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. إذا قام في الصلاة, lorsqu'il se lève pour la prière, رفع يديه حتى يكون, il lève la main jusqu'à ce que la main soit حزو منكبي, c'est-à-dire au niveau de ses deux épaules. وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع. Il faisait cela aussi lorsqu'il lance le takbir pour le ruku. Wa yafalu zalika, il faisait cela aussi idha rafa ra'sahu min ar-ruku. Lorsqu'il lève la tête du ruku, ça fait les trois endroits. Wa yaqulu sami'a Allahu liman hamda, et il disait sami'a Allahu liman hamda, wa la yafalu zalika fi as-sujud, et il ne faisait pas cela dans le sujud. Ça va? C'est-à-dire lorsqu'il revient du sujud et lorsqu'il descend. Il ne faisait pas cela. Comme cela est clair ici dans le hadith. Alors ici, amma rafu fil mawdi' ar-rabi', quant au fait de lever la main dans le quatrième endroit, fa fi riwayat al-hadith Ibn Omar, ça vient dans une autre riwaya du hadith Ibn Omar qui a précédé que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, idha qama min ar-rak'atayn rafa yadayhi. Lorsqu'il s'élève de deux rakat, il lève la main. Et ce hadith, ces deux riwayas viennent dans Bukhari et Muslim. Ça va? Hada muttafaq alayhi. Wa hadhihi hiya al-mawadi allati, voici les endroits, sahha ar-raf'u fiha, où le raf est authentique, a été authentifié, wa lam yasihhu fi ghayriha. Mais dans autre, cela n'a pas été authentifié. Ça va? قال سعد بن سعد. سعد بن سعد عفوا ici, il y a des hadiths qui viennent dans Sifat Salat de Cheikh Albani rahimahullah. Je vous incite beaucoup d'aller lire avec le ta'liq de l'imam Mohamed bin Omar Bazmoul dans ce livre là, hein? C'est l'explication de Sifat Salat de Cheikh Albani avec le ta'liq de Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul. Ça va? Et là-bas, vous allez voir, il y a parmi ces hadiths là où Cheikh Albani a fait tarajou dessus. Il est revenu dessus. Ça va? Donc ce que le Cheikh Ali Ramli a dit, c'est ce qui est correct. Lam yasihu fi ghayri hadhihi al-mawadi al-arba. En dehors de ces quatre endroits, il n'y a pas d'hadith authentique. وهذا حق والضم للضم ici اي وضع اليد اليمنى نعم oui c'est ce que j'ai dit souvent on peut le faire la majorité de ces hadiths là c'est vrai Cheikh Albani rahimahullah il a rendu d'autres authentiques il a rendu d'autres même hassan mais là qu'il les savants qui sont venus après, intaqadouhu ala dhalik, ils ont trouvé que, hein, tel que Cheikh Mokbil, rahimahullah, et d'autres, hein, al-aslam, c'est ce qui est les quatre endroits. Ça va? Maintenant, ceux qui voient qu'on peut faire dans, souvent, ils trouvent que ces hadiths-là sont authentiques. Ça va? Voyez. Wa dam, le dam ici, les dames ici. Ay wadu al-yad al-yumna, c'est le fait de mettre la main droite à la yusra hal al-qiyam, c'est-à-dire mettre la main droite sur la main gauche lorsqu'on s'arrête pour prier. Tayyib, c'est une sunnah. Qala Sahal bin Sa'd. Sahal bin Sa'd dit كان الناس يؤمرون أن نردنا أجان أن يضع الرجل اليد اليمنى كلهم مت سامن دروات على زراعه اليسرى سي سا كود سي سون كود غوش سوا fistola dans la prière. On ordonnait aux gens. Et il a remonté ce hadith au messager d'Allah sur la somme. Et le hadith est authentique. Et ça vient dans les deux authentiques aussi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a wada'a yadahu al-yumna, il a mis sa main droite sur sa main gauche, ça va, dans la prière. Mais ce n'est pas venu de façon authentique. Dans un hadith, de façon authentique, qui vient préciser l'endroit exact où on doit déposer la main. Ça va? Toyib. Que ce soit sur la poitrine et autre que la poitrine. Wada wa sahih. C'est pas venu de façon authentique. Hein? Cheikh Osaimi, Afizahullah Ta'ala, il a fait un talik qui est Jamil, si cela, qui est Wada le Yumna à la Yusra à la Sodr. Il a parlé beaucoup sur cela. Le Cheikh Abdussalam lui dit As-Sahu al-Aqwal, c'est de mettre ici, au bas du nombril. Voilà qu'il n'y a pas un hadith qui est venu de façon authentique. C'est le fait de préciser l'endroit de façon précise. Ça va? Mais le Cheikh Ousseymine soutient sur la poitrine. Cheikh Albani, il soutient cela. La majorité dans les savants, il soutient cela. Non? Voyez? Atawajjou. Et aussi le tawajjou. Al-Muradu bi tawajjou, ce qui est voulu par le tawajjou, c'est tu'a ou l'istifta. C'est l'invocation d'ouverture à l'aide yakunu ba'da takbirat al-ihram. Ce qui vient après le takbirat al-ihram, yukalu lahu atawajjou. On appelle cela atawajjou. Ça va? لأن من الأدعية المذكورة فيه parce que parmi les adaiyah les dua qui ont été mentionnés ya wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal ard, c'est-à-dire j'ai dirigé mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre. Donc voilà pourquoi la dua a été nommée tawajjuh, la dua de direction. Ça va? Wa hadha, cela est venu dans al-Bukhari et dans la riwaya de l'imam muslim d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala. Wa warada fihi azkar mukhtalifa. Dua'u l'istifta, il y a beaucoup de hadiths qui sont venus à ce sujet. Iza saha indaka wahidu minha. Si un hadith est authentique auprès de toi, falaka antastaftah biha. Donc, toi tu prends ce hadith, cette dua, et puis tu fais l'ouverture avec. Voilà ce qu'on vient de voir, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal ard. Ça c'est authentique. Hanifa. Wa ma ana min al-mushrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jusqu'à la fin. Ça c'est dua. Istifta. Avant de réciter la fatia ou avant de faire l'isti'aza. Dès que tu rends le takbir, tu fais l'invocation. Ça va? Ensuite, asahuha. Ce qui est plus authentique, c'est ce qui vient dans les deux authentiques des hadiths de Abi Hurayra, qui est l'invocation Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya kama ba'adta bayna al-mashriq wa al-maghrib. Ça va? Cette invocation-là. Allah éloigne-moi et éloigne-moi de mes péchés. Et mets la distance entre moi et mes péchés comme tu as mis la distance entre l'Orient et l'Occident. Allah purifie-moi des péchés comme la grêle, la neige, hein, et tout ceci. Donc cette invocation est le plus authentique parce que ça vient dans les deux authentiques, Sahihayn. Wa idha aradta istiftahan qasiran. Le Cheikh Ali Ramli dit, si tu veux un istiftah qui est court, tu veux pas te casser la tête. Parce que le istiftah ayyuma akhasta, n'importe quel istiftah que tu prends, ce n'est pas une condition que tu viennes avec tout. C'est même pas recommandé de faire tout. Parce que la source, par exemple, il le faisait ahyanan, ahyanan, ahyanan, tel, tel, tel. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu veux un istifta qui est très court, il faut dire Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi Kassira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. ها الله أكبر كبيرا. الله très grand. والحمد لله كثيرا. Et la louange, plusieurs louanges à Allah, subhanallah, bukuratan, et on dit subhanallah, matin et soir. Donc, si tu dis cela, khalas. Ou bien, et cette riwaya vient dans Muslim authentique, d'après Ibn Omar. Ça va? Ensuite, si tu veux un autre, faut dire, ça c'est plus court. Dès que tu lances takbira, tu dis Alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan fi. Indah al-mawdu. Alhamdulillah hamdan kathiran mubarakan kathiran tayyiban. J'ai sauté un. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mais le Cheikh Ali Ramli dit wa amma ana, quant à moi, fa ansahu bitarkiz, je conseille de se centrer, de se concentrer à la hadith sahihain wa taqdimima, sur les hadiths qui viennent dans les deux authentiques et les devancer, et ce sont ces hadiths là. Ça va? Sinon il y a d'autres hadiths qui viennent dans autre que les deux authentiques. Là on voit il y a des gens qui veulent poser des questions, mais quand on va finir, on va leur donner la parole, inshallah. Donc, ici, il dit wa ta'awuz. Je pense que nous allons nous arrêter ici sur le ta'awuz. Le ta'awuz, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite ainsi la mise en pratique. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.